Chapitre 13. Un plan machiavélique. Quand Lionel de Praz et Jean Mareuil descendirent de taxi devant l'hôtel de Neuilly, aucun invité n'était encore là. Madame de Praz jetait le dernier coup d'œil au buffet. Quant à Gilberte, ayant groupé autour de son piano les nègres du jazz band, elle s'amusait follement à faire sa partie dans le dernier blues à la mode. Et c'était un très divertissant spectacle que cette endiablée petite nymphe, toute rose de joie, chantant, jouant et dansant à demi sur son tabouret, au rythme syncopé de la chanson américaine, tandis qu'autour d'elle, les cinq visages noirs exultaient d'une allégresse, professionnelle peut-être, mais certainement communicative. Lionel et Jean Mareuil n'eurent garde d'interrompre le séduisant charivari. Jean Mareuil contemplait la scène avec une complaisance charmée. Mais Lionel, s'étant saisi d'un buste en terre cuite, exécutait avec ce quart de danseuse la plus frénétique des bamboulas. Tout prit fin dans un éclat de rire général, et Madame de Praz montra son visage vaporeux. « Gilberte, » dit-elle. « C'est moi, » fit la jeune fille. Madame de Praz prit d'un côté le bras de Jean Mareuil et de l'autre celui de sa nièce. Puis elle les entraîna dans un salon voisin. « Mes enfants, je vais vous contrarier. Gilberte m'a dit que vous aviez fixé votre mariage au 2 juin. Mais ce n'est pas raisonnable, c'est trop tôt. Je n'aurai jamais le temps de tout préparer. Vous ne savez pas ce que c'est. Laissez-moi au moins 15 jours de plus. Voyons, le 25 juin, voulez-vous ? Faites-moi ce grand plaisir. » Elle avait gardé le bras de Gilberte, qui se dégagea et fit une moue courroucée. « Non, tante, ce sera le 2 juin. » Madame de Praz interrogeait du regard Jean Mareuil embarrassé. « Le 2 juin, je ne peux pas, gémit la vieille dame, ou tout sera manqué. Ce mariage doit être absolument réussi. C'est moi qui en suis responsable, et il le sera, j'y tiens. » « Raté ou non, s'obstina Gilberte, ce sera le 2 juin. » « Le 25, objecta Jean Mareuil, c'est à la veille du Grand Prix. Nous préférerions vraiment le 2 juin, madame. » Madame de Praz fit une opposition plus sensible. « Vous n'êtes pas raisonnable, pas gentil non plus. Pour 15 jours que je vous demande... »« Enfin, je suis bien libre, » déclara Gilberte d'un ton mordant. Jean Mareuil fit un geste d'apaisement, mais Madame de Praz s'était cabrée. « Libre ? Ces 15 jours que je te demande, tu oublies que je suis en droit de les exiger, de reculer ton mariage comme bon me semble. » Gilberte suffoqua. « Vous feriez ça, tante ?»« Allons, allons, je vous en prie, » s'interposa Jean Mareuil. « Bien sûr que non, que je ne le ferai pas, » dit Madame de Praz soudain radoucie. « Mais tu me parles si durement. Viens que je t'embrasse, va. Ah non, ne pleure pas, ma petite fille, ne pleure pas. Écoute, écoute, Gilberte, si tu veux, nous allons faire un petit marché, nous deux. Tu sais combien je désire que tu reviennes à l'Uversie. Eh bien, fais un effort, surmonte ton appréhension maladive, promets-moi d'y revenir. » J'aurais tant aimé que ton mariage fût célébré là-bas. Ce serait si beau, si familial. C'est à l'Uversie que tu es chez toi, vraiment. C'est là que dort ta pauvre maman. Si près de Paris, nous aurions une assistance considérable. Consens au moins à essayer. Viens à l'Uversie cette semaine, Gilberte, et moi, j'accepte le 2 juin. » Jean Mareuil, au premier mot de Madame de Praz, avait réprimé un tressaillement. Cependant, il l'écouta jusqu'au bout avec un sourire de bonne compagnie. « Je ne suis pas d'avis qu'à Mademoiselle Gilberte se fasse violence, » commença-t-il. « Vous me jurez, » dit Gilberte à sa tante, « vous me jurez que, si je vais à l'Uversie, il ne sera plus question de changer la date du mariage ?»« Je te le jure, » déclara Madame de Praz avec une douce expression maternelle. « Cela me donnera bien de l'ouvrage, mais j'aurai la satisfaction d'avoir fait mon devoir en ce qui concerne l'Uversie. Ta maman avait toujours cru que tu t'y marierais. » Oh, pour m'y marier, cela, non. Je veux bien y retourner, puisque vous l'exigez, mais une fois, une seule. Bah, c'est tout ce que je te demande. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Et tu seras peut-être bien surprise d'être installée là-bas dans une quinzaine. Oh, cela, par exemple, n'y comptez pas. Nous y irons jeudi, voulez-vous ? Monsieur Mareuil. Ah, Monsieur Mareuil est dans la lune. Jeudi à Luvercy en auto, cela vous va ? Mais certainement, madame, jeudi après-midi. Naturellement, dit Gilberte, le temps d'aller et de revenir. Mauvaise joueuse, dit madame de Praz en la menaçant du doigt. Ça ne fait rien, tante. Il faut que je vous aime rudement, vous savez, pour accepter vos conditions. Je croirais plutôt, sentencia la vieille dame, que si tu aimes rudement quelqu'un. Le jazz lui coupa la parole. Lionel venait de le déchaîner en voyant s'arrêter devant le perron la première automobile. La voix de Gilberte se mêla aux accents pathétiques d'un saxophone déclamatoire. « Alors, c'est dit, tante, le 2 juin, je l'annonce à tout le monde. »« Oui !» cria madame de Praz en se dirigeant vers l'entrée du salon. Mais, se rappelant quelque chose, elle revint d'un pas en arrière et dit à Jean Mareuil « Ah, j'oubliais, nous vous emmenons au théâtre ce soir. J'ai une loge pour l'Odéon. Le procureur Hallers, vous savez, cette reprise... »« Maman !» fit Lionel qui survenait. « V'là les gens qui s'amènent !» Madame de Praz, haussant les épaules en signe de réprobation, s'enfuit hâtivement. Tandis que la petite fête suivait son cours, Lionel retrouva sa mère parmi les groupes et la prit à part. « Vous attachez tant d'importance à ce que Gilberte retourne à Luvercy ?»« Non, certes, mais j'aurais voulu gagner du temps en faisant reculer la date du mariage. » Je m'y suis prise maladroitement. Quand j'ai vu qu'il me fallait céder, j'ai cherché, simplement, un moyen qui ne fût pas une capitulation. Alors, j'ai trouvé Luvercy. Donnant, donnant. L'honneur est sauf. Du reste, j'ai mon idée, tout de même. Il me semblait bien. Je n'insiste pas. Je voulais vous parler. Deux mots seulement. Je viens d'avoir avec Jean Mareuil, chez lui, une conversation suggestive. Et Lionel raconta l'incident du tatouage découvert et ceux qui s'étaient suivis, insistant sur la terreur mystérieuse que Jean Mareuil éprouvait à l'égard de tout ce qui touchait au drame de Luvercy. Madame de Praz l'écouta impatiemment. « Je ne prétends pas, dit-elle, qu'il n'y ait anguille sous roche dans cet ordre d'idées. Quoi, au juste, je n'en sais rien. » Mais mon avis est que travailler dans ce sens-là serait trop long, difficile, hasardeux. Or, le temps presse. Un mois à peine nous sépare du mariage projeté. Voilà qui domine la situation. Il faut aller vite, au plus pressé, au plus sûr. Il faut employer le moyen le plus expéditif pour empêcher ce mariage. Eh bien, j'ai mûrement pesé nos chances. Et je suis persuadée que nous devons négliger, pour le moment, de rechercher quel rôle Jean Mareuil a joué, sous sa forme seconde, dans la mort de ta tante, s'il en a joué un, ce qui n'est pas démontré, et que notre plan consiste... Dites !» Madame de Praz s'assura que personne ne pouvait l'entendre. Ils étaient dans l'embrasure d'une fenêtre. Une grande animation régnait. Le jazz n'était plus qu'un peu de bruit dans la haute rumeur des entretiens, des exclamations et des rires. Au surplus, Gilberte, aujourd'hui, supplantait Madame de Praz. L'annonce officielle de ses fiançailles faisait de cette jeune fille l'idole vers quoi convergeaient les félicitations, les vœux, les attendrissements, les sourires, les regards noyés. Élisabeth, comtesse de Praz, redevenait déjà la parente modeste qui, bientôt, rentrerait dans l'ombre après avoir remis à Madame Jean Mareuil son trousseau de clés. Madame de Praz profita de cet abandon pour s'exprimer à loisir. « Toi-même, Lionel, quand tu m'as rendu compte de ta visite au préfet de police, n'as-tu pas insisté sur une phrase ? Le préfet ne considère-t-il pas Jean Mareuil Freddy comme un malheureux ? qui pourrait retomber dans certains abîmes pour peu qu'on l'y poussât ? N'allons pas jusqu'à présumer qu'il a tué, mais qu'il ait volé, cela me paraît probable. Je vous entends, c'est un voleur qu'il nous faut. L'amener à voler, n'est-ce pas ? Voilà le plan, j'y avais songé, n'en doutez pas. Oui, refaire de lui ce qu'il fut sans doute, et s'il ne le fut pas, l'inaugurer. Mon grand, d'ici le 2 juin, fais en sorte que Freddy la Couleuvre soit devenu ou redevenu un cambrioleur. Avec cela, moi, je me charge d'empêcher le mariage. Rappelez-vous que Gilberte l'aime passionnément et qu'elle peut espérer le guérir. De toute façon, le mariage serait différé, ajourné sine die, car j'y mettrais bon ordre. Ce serait mon devoir comme c'est mon droit. Et alors, nous aurions la partie belle pour agir à notre aise. Au reste, je connais les femmes. Voir tout à coup celui qu'on aime se métamorphoser en cambrioleur ou se révéler monomane de la perversité, cela vous refroidit le cœur. Lionel, à cet instant, éprouvait l'autorité de sa mère. Il sentait en elle une âme forte et impérieuse, dominatrice, que les circonstances avaient soudainement développée. L'esprit de discipline l'envahit, il fut aux ordres. « Que dois-je faire ?» Cobry entre en rapport avec la deuxième personnalité de Jean Mareuil, avec Freddy. Qu'il gagne sa confiance rapidement. Et qu'il le tente. Qu'il endoctrine et le corrompe. Quelques jours y suffiront. Quand il aura l'impression que l'autre est à point, qu'il est mûr pour céder à une occasion, nous ferons naître cette occasion. Croyez-vous que je doive m'en mêler moi-même ? De ta personne, non. Jean Mareuil ne connaît pas Aubry. Toi, tu lui es familier. Et, à mon sentiment, il est préférable de ne pas jouer avec le feu. Il suffirait d'une réminiscence, d'un petit contact entre les deux mémoires du double personnage, et tout serait perdu pour nous. Nous aurons un adversaire. L'homme dont le préfet t'a parlé, celui qui veille à ce que Freddy ne compromette pas Jean Mareuil, j'y pense. Il importe de savoir quel est ce protecteur et d'agir à son insu sur son protégé. Tu n'as aucune indication concernant ce dieu caché ? Aucune. Le préfet a été des plus laconiques à ce sujet et Aubry n'a pas encore eu le temps de creuser la vie nocturne de Freddy la Couleuvre. Et la demoiselle Java ? Je ne puis rien dire d'elle au point où nous en sommes, mais je ne prévois pas beaucoup d'opposition de ce côté-là. Elle est, si je comprends bien, de ces filles pour qui l'idéal est d'être l'esclave d'une terreur des Batignolles ou d'un tigre de Ménilmontant. Je ne crois pas que le casier judiciaire de Freddy la Couleuvre l'intéresse beaucoup, ni que l'honnêteté du sire lui tienne à cœur. Ce serait plutôt le contraire. Dans l'incertitude, dit Madame de Praz, il sera prudent qu'Aubry la maintienne en dehors de son action et qu'il manœuvre en secret. De loin, Lionel suivait Jean Mareuil et Gilberte qui dansaient. Son imagination lui représentait le serpent bleu faïence qui tatouait le bras du jeune homme. « Si Gilberte savait, murmura-t-il. » Et Lionel se figurait un Jean Mareuil, non plus habillé par un tailleur anglais, mais coiffé d'une casquette, sans faux col ni cravate, chaussé d'espadrilles, le Jean Mareuil qu'il avait vu se glisser dans la nuit. Le tango mondain se transformait alors en valse chaloupée et Gilberte prenait le visage de Java. « Si elle savait, » répéta-t-il en regardant sa mère avec une expression de joie malsaine. « Sois tranquille, » affirma Madame de Praz, « elle saura. » Lionel, à ces mots, ne put se défendre d'une stupeur. « Vous l'aimez bien pourtant, » s'exclama-t-il. « Assurément, mais je suis mère avant tout. Et puis, n'est-ce pas pour son bonheur que je travaille ? Chargée de son avenir, puis-je en conscience la livrer à une espèce de fou qui passe ses nuits à faire la pâche ?» Lionel reconnut que cela était juste, encore qu'il demeura confondu, à part lui, de constater avec quelle légèreté d'âme sa mère lui sacrifiait les joies de Gilberte. Car pouvait-il douter qu'elle ne les lui eût pas sacrifiés de la même façon dans le cas où le fiancé de Gilberte se fût montré irréprochable. Il y avait là un exemple frappant d'amour maternel exaspéré en passion, où certaines femmes apportent l'ardeur impétueuse et l'exclusivisme sauvage des amours les plus violentes. « Tu ne danses pas ?» dit Madame de Praz. « Si, répondit Lionel songeur. Mais j'ai lieu de croire que Mareuil dînera avec nous. Il se pourrait donc que je n'ai plus l'occasion de vous parler avant l'Odéon. Vous n'avez rien à me dire à ce propos ? Je suppose qu'il s'agit d'une expérience renouvelée d'Hamlet. » Il souriait à son allusion. « Que veux-tu dire ? Vous ne vous souvenez pas ? Alors, vous faites du Shakespeare sans le savoir. Allons, maman, rappelez vos souvenirs classiques. Hamlet soupçonne la reine sa mère et le roi son beau-père d'avoir mis à mort son père. Il invite les deux suspects à prendre place devant un théâtre improvisé sur lequel des comédiens de passage joueront une pièce de sa façon, une pièce qui reproduit le meurtre supposé. Le couple royal se trouble, se trahit. Hamlet, qu'il observe à travers les branches d'un éventail, pousse des cris inarticulés et confond les coupables. « Mais, dit Madame de Praz, il n'y a rien dans le procureur Hallerz, ni assassinat, ni rien qui ressemble de près ou de loin à la mort de ta tante. » « Aussi n'est-ce point cela que je veux dire, et vous l'avez compris, j'imagine. » « Si tu veux dire que j'ai jugé profitable de placer Jean Mareuil devant la représentation d'un cas qui est le sien, en effet, c'est bien cela que j'ai arrangé. Je voudrais savoir si un tel spectacle ne provoquera pas en lui des mouvements profonds. J'ai besoin de mesurer à quel point sa seconde existence le tourmente. Car il n'est pas douteux que, par moments, il semble avoir une sorte de perception angoissée. Ses absences, ses rêveries, sans parler de l'album. Si ces deux mémoires communiquent si peu que ce soit, comme cela se produit parfois confusément, le fait pourrait nous être extrêmement utile. En quoi donc ? Pour. Mais nous ne nous appesantissons pas sur des éventualités. Si elles se produisent, il sera temps d'en tirer les conséquences possibles. Fonder des conjectures sur des suppositions, cela m'a toujours semblé, certes rationnel, mais à la condition de rester dans les grandes lignes et de ne pas s'user à prévoir minutieusement la suite des si. D'ailleurs, il y a déjà trop longtemps que nous causons, mon grand. Ne donnons prise à aucune critique. Va danser, va !» Comme Lionel se jetait dans la gravitation des couples enlacés, avec cette gaieté bruyante qui faisait sa réputation de bout en train, Gilberte et Jean Mareuil, achevant leur tango, échangeaient des paroles espacées. « Que voulez-vous » disait-il. « Moi, je trouve que c'est un mauvais système. Un traitement progressif s'impose, comme pour toutes les affections nerveuses. J'aime encore mieux ça que d'attendre le 25 juin. C'est très courageux et je vous en suis, moi, reconnaissant au-delà de toute expression. » « Mais, je vous le redis, ce n'est pas raisonnable. »« Vous me faites un peu peur, vous savez. J'ai besoin de toute ma bravoure et on dirait que vous vous attachez à me l'enlever. On dirait que... »« Enfin, dites, Jean, jusqu'ici, vous étiez convaincu que la vipère de Luversy était morte. Auriez-vous changé d'avis ? Me cachez-vous quelque chose ? Non pas. C'est que... » « Cela me paraît si bizarre que vous me parliez comme vous le faites. À l'heure où votre concours m'est le plus nécessaire, il me manque. Si j'ai accepté d'aller à Luversy, c'est beaucoup parce que votre assurance me rassurait. En ce moment, je m'aperçois que cette assurance commençait à me gagner. Et voilà que je ne retrouve plus en vous la même certitude. Je vous jure, Gilberte !» Non, non, j'ai l'impression que vous avez fait semblant d'être sûr pour me remettre en confiance lorsqu'il n'était pas question pour moi de retourner à Luversy. Et maintenant, vous me faites l'effet d'être effrayé, effrayé d'avoir simulé, si effrayé même que jamais Luversy ne m'a inspiré plus de frayeur. J'en suis ravi. Comment ? Ravi. Comme cela, nous n'y resterons que le temps indispensable à l'exécution de votre engagement, et vous n'y retournerez pas avant que vos nerfs se soient calmés d'eux-mêmes, peu à peu, ce que j'estime essentiel. » C'est bien vrai ce que vous me dites là. Vous n'avez pas une autre raison, une raison plus matérielle, de craindre pour votre Gilberte le séjour de Luvercy. Mon Jean, vous êtes tellement sombre depuis tout à l'heure. Il y a de l'anxiété dans vos yeux. Soyez franc. Une autre raison, à savoir, n'est-ce pas, mon incertitude touchant la vie ou la mort de la vipère. Eh bien, ma chérie, qui veut la fin veut les moyens. Souhaitant, comme vous le savez, que nous bornions à la promenade de jeudi nos visites à Luvercy, permettez-moi de vous laisser dans une indécision qui me paraît salutaire. Plus tard. Oh, s'indigna Gilberte, c'est trop fort. Je vous aime, dit-il gentiment. Mais elle songeait, tout interloquée, est-ce que nous serions deux maintenant à redouter Luvercy ?